Lettre quatrième. Toulon, le 1er septembre 1817. Me voici donc au point du départ. C'est d'ici que vont commencer mes longues courses. Je laisse à celui qui nous commande le soin d'expliquer, à sa manière, la cause et la nature des phénomènes qui nous frapperont. Quant à moi, mon ami, avec notre bon La Fontaine, je dirais j'étais là. Telle chose m'advint, vous y croirez être vous-même. Trop ignorant pour approfondir les secrets de la nature, je me contenterai de rapporter les faits tels que je les aurais observés. Mais quand je te dirai « j'ai vu telle chose », je l'aurais vu réellement. Il y a l'exemple de tant d'intrépides narrateurs qui, sans sortir de leur cabinet, ont fait le tour du monde. Je n'irai pas, sautement plagiaire, chercher du merveilleux, du romanesque pour fixer ton attention et piquer ta curiosité. Je connais assez ton indulgente amitié, pour être persuadé d'avance que tout ce qui me rappellera ton souvenir te sera cher, et que tu préfères un récit simple, mais fidèle, au rêve creux et ridicule de ton d'ignare voyageur. Puisque je t'ai parlé de Lyon et de Marseille, je vais compléter mes notes par quelques mots sur Toulon. Il ne faut mépriser personne. Le port me paraît moins grand que celui de Marseille, mais sa rade est la plus belle et la plus sûre de la Méditerranée. Le fond en est généralement bon, et les atterrissages très peu dangereux. Je souffre de la voir déserte. La ville, qui est petite, s'étend de l'est à l'ouest et l'espace d'un quart de lieue. Elle est fort sale la nuit et très propre le jour. Après 8 heures du soir, il y a toujours du danger à se promener dans les rues, à cause du peu de surveillance de ceux qui sont chargés de maintenir la propreté. Le matin, la ville est lavée par les ruisseaux qui la traversent et qui prennent leur source dans un nombre considérable de fontaines. J'en ai compté plus de 50. Et quelques-unes sont d'un travail et d'une élégance admirables. Celle qui est située sur la place au foin offre un coup d'œil tout à fait pittoresque. Du reste, ne cherchez à Toulon d'autres sculptures remarquables que cette fontaine et les deux cariatides qui soutiennent le balcon de l'hôtel de ville situé sur le port. Ils sont du fameux Puget et d'une belle conservation. On rapporte qu'un sculpteur célèbre, venant en France pour admirer nos chefs-d'œuvre, en débarquant à Toulon, s'arrêta devant ces deux cariatides, qu'il y demeura longtemps en extase, et puis se rembarqua en s'écriant « J'en ai assez vu ». Ce curieux, à coup sûr, était pressé de revoir sa patrie. Les rues sont en général tirées au cordeau et peu de places en France peuvent rivaliser avec celles du champ de bataille, qui, quoique petite, est embellie par les jolis hôtels qui l'entourent, et par des allées d'or mais de platanes d'une hauteur prodigieuse. Les jeunes gens donnent à ces allées différents noms. Dans l'allée des Amants, qui est vers la Porte de France, et en face de l'hôtel de l'Amiral, on ne trouve guère que de jeunes céladons, soupirant de langoureuses romances, et de timides, bien timides fillettes, qui savent persuader à leur maman que l'air y est plus frais, le feuillage plus riant. L'allée des Politiques est la plus fréquentée. On y est coudoyé à chaque pas. Je m'y rendais souvent pour lire la gazette sur la figure de quelque individu dont l'opinion m'était connue. La troisième allée s'appelle l'allée des veuves. On y pousse plus d'inutiles soupirs qu'on y verse de larmes. La quatrième, à côté de l'arsenal, est l'allée des soupirs. Elle est fort mal nommée, car la sagesse et la raison en sont bannies. Quel affligeant spectacle que celui des galériens. Leur nombre est ici de plus de 4 000. Ils sont divisés en plusieurs classes, selon la nature de leurs crimes. Sur peu de visages, on lit le remords. Il n'y a pas de rue où l'on ne rencontre quelqu'un de ces misérables. Mais un abus, qu'on a de la peine à croire, c'est que l'autorité, peu attentive et aussi peu scrupuleuse, choisit souvent ses serviteurs parmi ses condamnés, qui, libres dans la ville, semblent donner un démenti à la justice. Croirais-tu, mon ami, qu'il y a des pères de famille assez ennemis de la sûreté de leurs enfants pour oser confier leur éducation à ces hommes flétris? J'ai vu de jeunes demoiselles qui ne devaient leur faible connaissance qu'aux soins d'un galérien. Penses-tu qu'elles n'ont appris que ce qui peut les honorer? Jamais, je le sens, je ne pourrais aimer de tels enfants. Jamais je n'estimerai de tels pères. Dans un gouvernement sage et éclairé, signaler des abus, c'est les détruire. Je ne dirai que 2 mots sur l'arsenal. Il est superbe et digne en tout de la magnificence de Louis XIV. P.S. Il y a des livres à la bibliothèque publique de Toulon.